Salut à tous, aujourd'hui dans Classical Diz, je vais vous parler du groupe The Stray Cats, que l'on peut traduire par les chats de gouttière ou les chats errants. Alors ce groupe se forme en 79, à New York, par trois jeunes rockers, fans de Elvis, Brian Setzer, Lee Rocker et Slim Jim Phantom, qui sont respectivement guitaristes, contrebassistes et batteurs. Le chant est assuré par le contrebassiste Brian Setzer. En plein dans la vague des années 80, où disco, pop et new wave font rage, le groupe va tenter le pari fou de faire du rockabilly à l'image des idoles des années 60, Jerry Lee Lewis, Howlin' Wolf ou encore Little Richard. Et pari réussi puisque le succès est immédiat lorsqu'ils sont en Angleterre. C'est leur premier album, appelé tout simplement Stray Cats, paru en 1981, qui sera leur grand succès et qui contiendra leur plus grand tube que l'on retrouvera dans mes coups de cœur. Malheureusement, l'aventure est très courte, hein. Voulant changer un peu de registre, les autres albums du groupe sont plus typés rhythm and blues, alors le public est déçu et regrette déjà leur patte rock'n'roll. Et même quand les Stray Cats reviennent aux sources pour faire plaisir en 1983, eh bien la mode est déjà passée. Ensuite, chacun prit son envol en solo, avec des carrières et collaborations plus ou moins notables. Quelques retrouvailles par-ci par-là qui font plaisir aux fans dans les années 2000. Hommage donc à ce groupe, un petit peu oublié à ce jour, qui pourtant redonnait de la fraîcheur en cette première moitié des années 80 et qui contribua à la survie du rockabilly. Alors merci les Stray Cats. Bien oui, les musiques qui vont passer sont très similaires, mais bon, c'est une recette qui marche dans le groupe, hein. Ça reste toujours aussi jubilatoire et puis les solos de guitare sont toujours autant jouissifs, avec une voix qui fait très bien le job et une contrebasse complètement groovy. Je commence donc avec le titre Fishnet Stockings. C'est très simple, on a juste envie de se déhancher comme on le faisait si bien dans les années 60 avec cette chanson. Des solos de guitare à plusieurs reprises et tout autant excellent. C'est Fishnet Stockings. Toujours ici du premier album, le morceau Stray Cat Strust, plus calme et qui porte très bien son nom. En effet, cette musique correspond parfaitement à un thème que l'on pourrait associer à un chat errant dans la rue dans un dessin animé. D'ailleurs, le groupe français Téléphone opte pour un style assez similaire avec leur chanson jazzy qui se nomme, je vous le donne en mille, Le Chat. Bref, c'est Stray Cat Strust. Sitting on a fence, ain't got enough dough to pay the rent. I'm flat broke, but I don't care. I strut right by with my tail in the air. Straight can't strut, I'm a please cat. I'm a feeling Casanova. Et enfin, une fois de plus, provenant du premier album du groupe, le morceau Runaway Boys, le tube incontournable du groupe, à la contrebasse omniprésente et ça fait du bien. Même si elle reste assez monotone, elle reste très agréable à écouter. Il s'agit de Runaway Boys. Where can I stay? I heard a place is open all night and all day. bien sûr, je vous garde l'autre tube orgasmique du groupe qui s'intitule Rock This Town. Alors je vous souhaite une très bonne écoute sur RGR et vive le rockabilly. Yeah.